RadioCité.net, de Guy de Maupassant, le lit 29. Illustration musicale, Serge Prokofiev, sonate numéro 7 pour piano, licence Musopen. Texte lu par Alain Bernard. Quand le capitaine Épivan passait dans la rue, toutes les femmes se retournaient. Il présentait vraiment le type du bel officier de hussard. Aussi paradait-il toujours, et se bavait-il sans cesse, fier et préoccupé de sa cuisse, de sa taille et de sa moustache. Il les avait superbes d'ailleurs, la moustache, la taille et la cuisse. La première était blonde, très forte, tombant martialement sur la lèvre, d'un beau bourrelet, couleur de blé mûr, mais fin, soigneusement roulé, et qui descendait ensuite de deux côtés de la bouche en deux puissants jets de poils tout à fait crânes. La taille était mince, comme s'il portait un corset, tandis qu'une vigoureuse poitrine de mâle, bombée, cambrée, s'élargissait au-dessus. Sa cuisse était admirable, une cuisse de gymnaste, de danseur, dont la chair musclée dessinait tous ses mouvements sous le drap collant du pantalon rouge. Il marchait en tendant le jarret, en écartant les pieds et les bras, de ce pas un peu balancé des cavaliers, qui sied bien pour faire valoir les jambes et le torse, qui semble vainqueur sous l'uniforme, mais commun sous la redingote. Comme beaucoup d'officiers, le capitaine Épivan portait mal le costume civil. Il n'avait plus l'air, une fois vêtu de drap gris ou noir, que d'un commis de magasin. Mais en tenue, il triomphait. Il avait d'ailleurs une jolie tête, le nez mince et courbé, l'œil bleu, le front étroit. Il était chauve, par exemple, sans qu'il eût jamais compris pourquoi ses cheveux étaient tombés. Et il se consolait en constatant qu'avec de grandes moustaches, un crâne un peu nu ne va pas mal. Il méprisait tout le monde, en général, avec beaucoup de degrés dans son mépris. D'abord, pour lui, les bourgeois n'existaient point. Il les regardait, ainsi qu'on regarde les animaux, sans leur accorder plus d'attention qu'on en accorde aux moineaux ou aux poules. Seuls les officiers comptaient dans le monde, mais ils n'avaient pas la même estime pour tous les officiers. Ils ne respectaient en somme que les beaux hommes, la vraie, l'unique qualité du militaire devant être la prestance. Un soldat, c'était un gaillard, que diable, un grand gaillard créé pour faire la guerre et l'amour, un homme à poigne, à crins et à reins, rien de plus. Ils classaient les généraux aux armées françaises en raison de leur taille, de leur tenue et de l'aspect rébarbatif de leur visage. Bourbaki lui apparaissait comme le plus grand homme de guerre des temps modernes. Il hait beaucoup des officiers de la ligne qui sont courts et gros et souffrent en marchant. Mais il avait surtout une invincible mésestime qui frisait la répugnance pour les pauvres gringalets sortis de l'école polytechnique, ces maigres petits hommes à lunettes, gauches et maladroits, qui sont autant faits pour l'uniforme que lapins pour dire la messe, affirmait-il. Il s'indignait qu'on toléra dans l'armée ces avortons aux jambes grêles qui marchent comme des crabes, qui ne boivent pas, qui mangent peu et qui sont mieux aimés les équations que les belles filles. Le capitaine Épivan avait des succès constants, des triomphes auprès du beau sexe. Toutes les fois qu'il soupait en compagnie d'une femme, il se considérait comme certain de finir la nuit en tête à tête sur le même sommier. Et si des obstacles insurmontables empêchaient sa victoire le soir même, il était sûr au moins de la suite à demain. Les camarades n'aimaient pas lui faire rencontrer leur maîtresse, et les commerçants en boutique, qui avaient de jolies femmes au comptoir de leur magasin, le connaissaient, le craignaient et le haïssaient éperdument. Quand il passait, la marchande échangeait, malgré elle, avec lui, un regard à travers les vitres de la devanture, un de ces regards qui valent plus que les paroles tendres, qui contiennent un appel, une réponse, un désir et un aveu. Et le mari, d'une sorte d'instinct avertissé, se retournant brusquement, jetait un coup d'œil furieux sur la silhouette fière et cambrée de l'officier. Et quand le capitaine était passé, souriant et content de son effet, le commerçant, bousculant d'une main nerveuse des objets étalés devant lui, déclarait « En voilà un grand dindon. Quand est-ce qu'on finira de nourrir tous ces propres ariens qui traînent leur ferblanderie dans les rues? Quant à moi, j'aime mieux un boucher qu'un soldat. S'il a du sang sur son tablier, c'est du sang de bête au moins. Et il est utile à quelque chose, celui-là. Et le couteau qu'il porte n'est pas destiné à tuer des hommes. Je ne comprends pas qu'on tolère sur les promenades que ces meurtriers publics promènent leurs instruments de mort. Il en faut, je le sais bien, mais qu'on les cache au moins et qu'on ne les habille pas en mascarade avec des culottes rouges et des vestes bleues. On n'habille pas le bourreau en général, n'est-ce pas ? La femme, sans répondre, haussait imperceptiblement les épaules, tandis que son mari, devinant le geste, sans le voir, s'écriait « Faut-il être bête pour aller voir parader ces cocos-là ? » La réputation de conquérant du capitaine Épivant était d'ailleurs établie dans toute l'armée française. Or, en 1868, son régiment, le 102e Hussard, vint tenir garnison à Rouen. Il fut bientôt connu dans la ville. Il apparaissait tous les soirs, vers 5 heures, sur le cours Boieldieu, pour prendre l'absinthe au café de la Comédie. Mais, avant d'entrer dans l'établissement, il avait soin de faire un tour sur la promenade pour montrer sa jambe, sa taille et sa moustache. Les commerçants rouennais qui se promenaient aussi, les mains derrière le dos, préoccupés des affaires et parlant de la hausse et de la baisse, lui jetaient cependant un regard et murmuraient « Bigre, voilà un bel homme !» Puis, quand ils le connurent, « Tiens, le capitaine est vivant, quel gaillard tout de même !» Les femmes, à sa rencontre, avaient un petit mouvement de tête tout à fait drôle, une sorte de frisson, de pudeur, comme si elles s'étaient senties faibles ou dévêtues devant lui. Elles baissaient un peu la tête, avec une ombre de sourire sur les lèvres, un désir d'être trouvée charmante et d'avoir un regard de lui. Quand il se promenait avec un camarade, le camarade ne manquait jamais de murmurer, avec une jalousie envieuse, chaque fois qu'il revoyait le même manège. « Ce bougre des Pivants a-t-il de la chance ?» Parmi les filles entretenues de la ville, c'était une lutte, une course, à qui l'enlèverait. Elles venaient toutes à 5 heures, leurs officiers, sur le cours Boieldieu, et elles traînaient leurs jupes, deux par deux, d'un bout à l'autre du cours, tandis que, deux par deux, lieutenants, capitaines et commandants traînaient leurs sabres sur le trottoir avant d'entrer au café. Or, un soir, la belle Irma, la maîtresse, disait-on, de M. Templier Papon, le riche manufacturier, fit arrêter sa voiture en face de la Comédie et, descendant, eut l'air d'aller acheter du papier ou commander des cartes de visite chez M. Pollard, le graveur. Cela pour passer devant les tables d'officiers et jeter au capitaine Épivant un regard qui voulait dire « Quand vous voudrez !» Si clairement que le colonel Prune, qui buvait de la verte liqueur avec son lieutenant-colonel, ne put s'empêcher de grogner un grec cochon. « A-t-il de la chance, ce bougre-là » Le mot du colonel fut répété. Et le capitaine Épivant, ému de cette approbation supérieure, passa le lendemain en grande tenue et plusieurs fois de suite sous les fenêtres de la belle. Elle le vit, se montra, sourit. Le soir même, il était son amant. Ils s'affichèrent, se donnèrent en spectacle, se compromirent mutuellement, firent tous deux d'une pareille aventure. Il n'était bruit dans la ville que des amours de la belle Irma avec l'officier. Seul M. Templier Papon les ignorait. Le capitaine rayonnait de gloire. Et à tout instant, il répétait « Irma vient de me dire, Irma me disait cette nuit, hier en dînant avec Irma. » Pendant plus d'un an, il promena, étala, déploya dans Rouen cet amour comme un drapeau pris à l'ennemi. Il se sentait grandi par cette conquête, envié, plus sûr de l'avenir, plus sûr de la croix tant désirée, car tout le monde avait les yeux sur lui. Et il suffit de se trouver bien en vue pour n'être pas oublié. Mais voilà que la guerre éclata, et que le régiment du capitaine fut envoyé à la frontière, un des premiers. Les adieux furent lamentables. Ils durèrent toute une nuit. Sabre, culotte rouge, képi, dolman, chaviré du dos d'une chaise par terre, les robes, les jupes, les bas de soie répandus, tombés aussi, mêlés à l'uniforme, en détresse sur le tapis, la chambre bouleversée comme après une bataille. Irma, folle, les cheveux dénoués, jetait ses bras désespérément autour du cou de l'officier, l'étreignant, puis le lâchant, se roulait sur le sol, renversait les meubles, arrachait les franges des fauteuils, mordait leurs pieds, tandis que le capitaine, fort ému mais inhabile aux consolations, répétait « Irma, ma petite Irma, pas à dire, il le faut !» Et il essuyait parfois du bout des doigts une larme éclose au coin de l'œil. Ils se séparèrent au jour levant. Elle suivit en voiture son amant jusqu'à la première étape. Et elle l'embrassa presque en face du régiment à l'instant de la séparation. On trouva même ça très gentil, très digne, très bien, et les camarades serrèrent la main du capitaine en lui disant « Crève-Hénard ! » Elle avait du cœur tout de même, cette petite. On voyait vraiment là-dedans quelque chose de patriotique. Le régiment fut alors éprouvé pendant la campagne. Le capitaine se conduisit héroïquement et reçut enfin la croix Puis, la guerre terminée, il revint à Rouen en garnison. Aussitôt de retour, il demanda des nouvelles d'Irma, mais personne ne put lui en donner de précises. D'après les uns, elle avait fait la noce avec l'état-major prussien. D'après les autres, elle s'était retirée chez ses parents aux environs d'Yvetot. Il envoya même son ordonnance à la mairie pour consulter le registre des décès. Le nom de sa maîtresse ne s'y trouva pas. Et il eut un grand chagrin dont il faisait parade. Et il mettait même au compte de l'ennemi son malheur, attribuait aux Prussiens qui avaient occupé Rouen la disparition de la jeune femme, et déclarait « La prochaine guerre, ils me le paieront, les gredins !» Or, un matin, comme il entrait aux messes à l'heure du déjeuner, un commissionnaire, vieil homme en blouse, coiffé d'une casquette cirée, lui remit une enveloppe. Il ouvrit et lut. « Mon chéri, je suis à l'hôpital bien malade, bien malade. Ne reviendras-tu pas me voir ? Ça me ferait tant plaisir. Irma. » Le capitaine devint pâle et, remué de pitié, il déclara « Nom de Dieu, la pauvre fille, j'y vais aussitôt le déjeuner. » Et pendant tout le temps, il raconta à la table des officiers qu'Irma était à l'hôpital, mais qu'il en ferait sortir chaque matin. C'était encore la faute de ces sacrés noms de Prussiens. Elle avait dû se trouver seule, sans sous, crevant de misère, car elle avait certainement pillé son huilier. Ah, les salopios ! Tout le monde était ému en l'écoutant. À peine eut-il glissé sa serviette roulée dans son rond de bois qu'il se leva, et, ayant cueilli son sabre au porte-manteau, bombant sa poitrine pour se faire mince, il agrafa son ceinturon, puis partit d'un pas accéléré pour se rendre à l'hôpital civil. Mais l'entrée du bâtiment hospitalier, où il s'attendait à pénétrer immédiatement, lui fut sévèrement refusée, et il dut même aller trouver son colonel à qui il expliqua son cas et dont il obtint un mot pour le directeur. Celui-ci, après avoir fait poser quelque temps le beau capitaine dans son antichambre, lui délivra enfin une autorisation avec un salut froid et désapprobateur. Dès la porte, il se sentit gêné dans cet asile de la misère, de la souffrance et de la mort. Un garçon de service le guida. Il allait sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit dans les longs corridors où flottait une odeur fade de moisie, de maladie et de médicaments. Un murmure de voix, par moments, troublait seul le grand silence de l'hôpital. Parfois, par une porte ouverte, le capitaine apercevait un dortoir, une file de lits dont les draps étaient soulevés par la forme des corps. Des convalescentes assises sur des chaises au pied de leur couche cousée, vêtues d'une robe d'uniforme en toile grise et coiffées d'un bonnet blanc. Son guide soudain s'arrêta devant une de ces galeries pleines de malades. Sur la porte, on lisait en grosses lettres « Syphilitique ». Le capitaine tressaillit, puis il se sentit rougir. Une infirmière préparait un médicament sur une petite table de bois à l'entrée. « Je vais vous conduire, dit-elle, c'est au lit 29. » Elle se mit à marcher devant l'officier, puis indiqua une couchette. « C'est là !» On ne voyait rien qu'un renflement des couvertures. La tête elle-même était cachée sous le drap. Partout, des figures se dressaient au-dessus des couches, des figures pâles, étonnées, regardaient l'uniforme, des figures de femmes, des jeunes femmes et des vieilles femmes, mais qui semblaient toutes laides, vulgaires, sous l'humble caraco réglementaire. Le capitaine, tout à fait troublé, qui soutenait son sabre d'une main et portait son képi de l'autre, murmura « Irma !» Un grand mouvement se fit dans le lit, et le visage de sa maîtresse apparut, mais si changé, si fatigué, si maigre, qu'il ne la reconnaissait pas. Elle haletait, suffoquée par l'émotion, et elle prononça « Albert, Albert, c'est toi, oh, c'est bien !» Et des larmes coulèrent de ses yeux. L'infirmière apportait une chaise. « Asseyez-vous, monsieur. » Il s'assit. Et il regardait la face pâle, si misérable de cette fille, qu'il avait quittée si belle et si fraîche. Il dit « Est-ce que tu as eu ?» Elle répondit tout en pleurant « Tu as bien vu, c'est écrit sur la porte. » Et elle cacha ses yeux sous le bord des draps. Il reprit, éperdu, honteux. « Comment as-tu attrapé ça, ma pauvre fille ?» Elle murmura. « C'est ces salauds de Prussiens, ils m'ont prise presque de force, et ils m'ont empoisonné. » Il ne trouvait plus rien à ajouter. Il la regardait et tournait son képi sur ses genoux. Les autres malades le dévisageaient, ils croyaient sentir une odeur de pourriture, une odeur de chair gâtée et d'infamie dans ce dortoir plein de filles, atteintes du mal ignoble et terrible. Elle murmurait. « Je ne crois pas que j'en réchappe. Le médecin dit que c'est bien grave. » Puis, apercevant la croix sur la poitrine de l'officier, elle s'écria. Oh, tu es décoré, que je suis content, que je suis content. Oh, si je pouvais t'embrasser. Un frisson de peur et de dégoût courut sur la peau du capitaine à la pensée de ce baiser. Il avait envie de s'en aller maintenant, d'être à l'air, de ne plus voir cette femme, et rester cependant, ne sachant comment faire pour se lever et pour lui dire adieu. Il balbutia: Tu ne t'es donc pas soigné? Une flamme passa dans les yeux d'Irma. Non, j'ai voulu me venger quand j'aurais dû en crever. Et je les ai empoisonnés aussi, tous, tous, le plus que j'ai pu. Tant qu'ils ont été à Rouen, je ne me suis pas soigné. Il déclara d'un ton gêné où perçut un peu de gaieté. Quant à ça, tu as bien fait. Elle dit, s'animant, les pommettes rouges. Oh oui, il en mourra plus d'un par ma faute. Là, je te réponds que je me suis vengé. Il prononça encore tant mieux, puis se levant. Allons, je vais te quitter parce qu'il faut que je sois chez le colonel à 4 heures. Elle eut une grosse émotion. Déjà? Tu me quittes déjà? Oh, tu viens à peine d'arriver. Mais il voulait partir à tout prix. Il prononça. Tu vois bien que je suis venu tout de suite. Et s'il faut absolument que je sois chez le colonel à 4 heures. Elle demanda. C'est toujours le colonel Prune? C'est toujours lui. Il a été blessé 2 fois. Elle reprit. Et tes camarades, y en a-t-il eu de tués? Oui, Saint-Simon, Savagnat, Poli, Saproval, Robert, de Courson, Passafil, Santal, Caravan et Poivrin sont morts. Sahel a eu le bras emporté et Courvoisin une jambe écrasée. Paquet a perdu l'œil droit. Elle écoutait, pleine d'intérêt. Puis tout à coup, elle balbutia. Veux-tu m'embrasser, dis, avant de me quitter? Madame Langlois n'est pas là. Et malgré le dégoût qui lui montait aux lèvres, il les posa sur ce front blême, tandis qu'elle, l'entourant de ses bras, jetait des baisers affolés sur le drap bleu de son dolman. Elle reprit. Tu reviendras, dis, tu reviendras. Promets-moi que tu reviendras. Oui, je te le promets. Quand ça? Peux-tu jeudi? Oui, jeudi. Jeudi à 2 heures? Oui, jeudi, 2 heures. Tu me promets? Je te le promets. Adieu, mon chéri. Adieu. Et il s'en alla, confus, sous les regards du dortoir, pliant sa haute taille pour se faire petit. Et quand il fut dans la rue, il respira. Le soir, ses camarades lui demandèrent: Eh bien, Irma, il répondit d'un ton gêné. Elle a eu une fluxion de poitrine. Elle est bien mal. Mais un petit lieutenant, flairant quelque chose à son air, alla aux informations. Et le lendemain, quand le capitaine entra au mess, il fut accueilli par une décharge de rires et de plaisanteries. On se vengeait enfin. On apprit en outre qu'Irma avait fait une noce enragée avec l'état-major prussien, qu'elle avait parcouru le pays à cheval avec un colonel de hussards bleus et avec bien d'autres encore, et que dans Rouen, on ne l'appelait plus que la femme aux Prussiens. Pendant 8 jours, le capitaine fut la victime du régiment. Il recevait par la poste des notes révélatrices, des ordonnances, des indications de médecins spécialistes, même des médicaments dont la nature était inscrite sur le paquet. Et le colonel, mis au courant, déclara d'un ton sévère: Eh bien, le capitaine avait là une jolie connaissance. Je lui en ferai mes compliments. Au bout d'une douzaine de jours, il fut appelé par une nouvelle lettre d'Irma. Il la déchira avec rage et ne répondit pas. 8 jours plus tard, il lui écrivit de nouveau qu'elle était tout à fait mal, qu'elle voulait lui dire adieu. Il ne répondit pas. Après quelques jours encore, il reçut la visite de l'aumônier de l'hôpital. La fille, Irma Pavolin, à son lit de mort, le suppliait de venir. Il n'osa pas refuser de suivre l'aumônier, mais il entra dans l'hôpital, le cœur gonflé, de rancune méchante, de vanité blessée, d'orgueil humilié. Il ne la trouva guère changée et pensa qu'elle s'était moquée de lui. Qu'est-ce que tu me veux? Dit-il. J'ai voulu te dire adieu. Il paraît que je suis tout à fait bas. Il ne la crut pas. Écoute, tu me rends la risée du régiment, et je ne veux pas que ça continue. Elle demanda. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Il s'irrita de n'avoir rien à répondre. Ne compte pas que je reviendrai ici pour me faire moquer de moi par tout le monde. Elle regarda de ses yeux éteints où s'allumait une colère et elle répéta. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je n'ai pas été gentille avec toi, peut-être? Est-ce que je t'ai quelquefois demandé quelque chose? Sans toi, je serais resté avec le sort templier Papon et je ne me trouverais pas ici aujourd'hui. Non, vois-tu, si quelqu'un a des reproches à me faire, ce n'est pas toi. Il reprit d'un ton vibrant. Je ne te fais pas de reproches, mais je ne peux pas continuer à venir te voir, parce que ta conduite avec les Prussiens a été la honte de toute la ville. Elle s'assit, d'une secousse dans son lit. Ma conduite avec les Prussiens? Mais quand je te dis qu'ils m'ont prise, et quand je te dis que si je ne me suis pas soignée, c'est parce que j'ai voulu les empoisonner. Si j'avais voulu me guérir, ce n'était pas difficile, parbleu. Mais je voulais les tuer, moi, et je n'ai tué, va. Il restait debout. Dans tous les cas, c'est honteux, dit-il. Elle eut une sorte d'étouffement, puis reprit. Qu'est-ce qui est honteux? De m'être fait mourir pour les exterminer, dit. Tu ne me parlais pas comme ça quand tu venais chez moi, rue Jeanne d'Arc. Ah, c'est honteux. Tu t'en aurais pas fait autant, toi, avec ta croix d'honneur. Je l'ai plus mérité que toi, vois-tu, plus que toi, et j'en ai tué plus que toi, dit Prussien. Il demeurait stupéfait devant elle, frémissant d'indignation. Ah, tais-toi, tu sais, tais-toi, parce que ces choses-là, je ne me permets pas qu'on y touche. Mais elle ne l'écoutait guère. Avec ça que vous l'aurez fait bien du mal aux Prussiens. Ça serait-il arrivé si vous aviez empêché de venir à Rouen, dit. C'est vous qui deviez les arrêter, entends-tu? Et je leur ai fait plus de mal que toi, moi, oui, plus de mal, puisque je vais mourir, tandis que tu te balades, toi, et que tu fais le beau pour enjoler les femmes. Le chagrin, une tête s'était dressée, et tous les yeux regardaient cet homme en uniforme qui bégayait. Tais-toi, tu sais, tais-toi. Mais elle ne se taisait pas, elle criait. Ah oui, tu es un joli poseur, je te connais, va, je te connais. Je te dis que je leur ai fait plus de mal que toi, moi, et que j'en ai tué plus que tout ton régiment réuni. Va donc, capon. Il s'en allait en effet, et fuyait, allongeant ses grandes jambes, passant entre les deux rangs de lits où s'agitaient les syphilitiques, et il entendait la voix haletante, sifflante d'Irma qui le poursuivait. Plus que toi, oui, j'en ai tué plus que toi, plus que toi. Il dégringola l'escalier quatre à quatre et courut s'enfermer chez lui. Le lendemain, il apprit qu'elle était morte.